couvert. Pas que t'es né de meilleur. J'en dis pour moi qu'on bat ta mort. Pour moi, c'est vous qui est le plus beau. Ou qu'à faire moi frissonner. Toi, la chair, c'est surtout celle qui t'y maintient. C'était vous qui t'es highway. Ma vie pas vrai de ton gal. L'avait où moi j'ai comblé. Toujours qu'est grandi. Oui dans les temps futurs nous qu'est vivre en harmonie. Tel but à ma grâce, t'es ce qu'à d'autres mouns arrivés. All massive! Quel moi, c'est ça?